dangereux. On est venu manger. Tous les jours dangereux. On essaie de se ranger. Mais c'est pas un jeu. On ne pense qu'à se venger. La vie de ma remet, putain, j'crois qu'on est genou net. J'marche encore un chasse dans les poches. Un million, c'est quoi, j'vais faire quoi avec? Le bendo me tue, mais j'arrive pas à arrêter. Laisse les faire les grands méchants. J'laisse parler ma colère, j'suis dans la bagarre depuis le collège. Combien de fois j'ai pété des molaires? Tu parles de qui? Tu vas finir sur une béquille. Tu te manges des hasbats tous les jours. Tu te manges des claques sur les deux jours. À la base, on arrive ni à. Tu veux nous foutre aux oubliés? Picoter l'eau quand t'as serré. On est pas là pour les miettes. Extend dans le sac, man, j'le fais pas pour la hype. Je te gagne ça si ça tourne mal. J'suis dans des sales bails et ça depuis longtemps. Faut se faire discret, j'me mélange pas. Pareil que dehors y'a trop de vice. Tu te fous de ma gueule, man, tu vois bien qu'on est high. J'suis dans des sales bails et ça depuis longtemps. Fous pas de ma gueule, man, tu vois bien qu'on est high. Fais qu'on est partout. La garde ice, ice, et j'fume la critical. Bye bye bye. On fait pas que ça pour la monnaie. On fait tout ça pour la famille. J'ai fait le charbon, j'ai donné. Big on interview, j'suis sonné. C'est pas nous que tu vas voir par terre. Tu vas pas me vider ton chargeur. Le monde est méchant et mauvais. Le monde est méchant et mauvais. J'arrive en 4-4-2 sur toi, j'vide le bail. Charron en pétard, nous c'est la Champions League. J'éteins toutes les tables. Y'a que des dibans, t'es mal écrasier. J'passe à la télé malgré mon phrasier. Elle remue son cul sur la base. T'es sorti le samedi, t'as donné des blases. Mamma mia, j'rentre les billets. Ça fait longtemps que j'suis plus nia. On remet tout à Dieu, mais pour l'instant je tente le diamant. Je suis cramé dans toute la cité, bébé, fais plus me voir sans mes jetons. En direct du stroll, elle m'a jeté. Quand je suis sous belle veste, je veux du jeton. Extend dans le sac, man, je le fais pas pour la hype. Je te gagne ça si ça tourne mal. Je suis dans des sales bails et ça depuis longtemps. Faut se faire discret, je me mélange pas. Pareil que dehors y'a trop de vice. Tu te fous de ma gueule, man, tu vois bien qu'on est high. Je suis dans des sales bails et ça depuis longtemps. Finir sur une béquille, tu te manges des hasbats tous les jours. Tu te manges des claques sur les deux jours. A la base on arrive ni à. Tu veux nous foutre aux oubliettes. Écoute tes loups quand t'as serré. On n'est pas là pour les miettes. J'suis dans les sales bails, ça depuis longtemps. Ça part drive by, pour rien ça sort le night. Bye bye bye.